Dialogue de sourds, ça je t'en parle même pas. J'ai pas la prétention d'écrire une chanson d'amour. Je laisse la plume de Brel embellir tes contours. On a dû évoluer au milieu des vautours. Mais pierre après pierre, on a bâti notre tour. Les fruits de notre passion ont enfin vu le jour. Reste gravé le jour où tu m'as fait la cour. On a surmonté tellement d'épreuves, je nous croyais invincibles. Mais ce connard de Cupidon a encore raté sa cible. Tu ne seras pas mon ennemi, pas plus que mon ami, mais une parcelle de moi, car tu étais mamie. L'amour c'est pas pour moi, il faut se faire une raison. La série sur notre couple a duré 15 saisons. L'amour éternel existe mais il n'est pas pour moi. Je l'ai rencontré deux fois mais il n'avait pas la foi. Je resterai dans l'ombre, tapis sous mon toit. Le cœur est une justice et je suis un hors-la-loi. L'amour éternel existe mais il n'est pas pour moi. Je l'ai rencontré deux fois mais il n'avait pas la foi. Je resterai dans l'ombre, tapis sous mon toit. Le cœur est une justice et je suis un hors-la-loi. De magnifiques minots, plus rien peut nous miner. Si la vie est un jeu de domino, alors on a gagné. J'ai dit ça en 2012 mais la partie était truquée. Moi j'ai perdu deux reines sur le grand échiquier. Le quotidien nous tue comme disent tous les losers. Ce n'est pas la routine qui a transpercé mon cœur. Je n'ai pas de haine, pas de colère, pas de rancœur. On avait rendez-vous mais on a loupé le rencard. Je l'ai compris, la flamme éteinte dans ton regard. Le mien était hagard lorsque tu m'as dit au revoir. Claquement toi aurait suffi pour raviver la flamme. Je rêvais d'une complice et pas seulement d'une femme. Tu ne m'as pas entendu malgré mes écrits d'alarme. Je ne vais plus pleurer, mes yeux ont versé trop de larmes. On avait tout pour être heureux mais ça n'a pas suffi. Ils appellent ça le destin, moi j'appelle ça du gâchis. L'amour éternel existe mais il n'est pas pour moi. Je l'ai rencontré deux fois, mais il n'avait pas la foi. Je resterai dans l'ombre, tapis sous mon toit. Le cœur est une justice et je suis un hors-la-loi. L'amour éternel existe, mais il n'est pas pour moi. Je l'ai rencontré deux fois, mais il n'avait pas la foi. Je resterai dans l'ombre, tapis sous mon toit. Le cœur est une justice et je suis un hors-la-loi. Aujourd'hui j'emprunte le chemin de la solitude. Et comme dit le poète, elle sera une douce habitude. Je ne veux plus me cacher derrière des artifices. Une chose est sûre, je ne ferai plus de sacrifices. Je ne veux plus faire d'efforts, plus un seul compromis. Tu veux être ma promise, alors prends-moi comme je suis. Ce qui fait mal, c'est que certains vont s'en réjouir. Car le destin a fini par nous désunir. Ce n'est pas en 3 minutes que je vais refaire l'histoire. On a tari la sève de notre arbre à espoir. Mis à part l'amertume, moi je n'ai plus de sentiment. À défaut d'être amant, nous resterons des parents. À présent, il faut se battre pour nos enfants. Nous serrer les coudes et céder mutuellement. Chialer sur mon sort, ça c'est mal me connaître. Une fois le phénix mort, de ses cendres peut renaître. L'amour éternel existe mais il n'est pas pour moi. Je l'ai rencontré deux fois mais il n'avait pas la foi. Je resterai dans l'ombre, tapis sous mon toit. Le cœur est une justice et je suis un hors-la-loi. L'amour éternel existe mais il n'est pas pour moi. Je l'ai rencontré deux fois mais il n'avait pas la foi. Je resterai dans l'ombre, tapis sous mon toit. Le cœur est une justice et je suis un hors-la-loi. Thank you.